Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs fidèles de Coup de cœur, chers auditeurs fidèles de Fadjet, j'espère que vous allez bien. En ce 13 octobre, nous allons mettre à l'honneur le 120e artiste de notre collection Coup de cœur. Rendez-vous compte, on s'est déjà attardé sur 120 carrières différentes. Avant de vous dévoiler de qui il s'agit, je vous propose d'écouter une nouveauté, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un extrait du dernier album de Serge Lama. Alors, 120e émission, je dois vous préciser qu'on va consacrer à l'artiste de ce jour 120 minutes, c'est-à-dire deux émissions complètes, une carrière trop importante pour traiter tout ça en 60 minutes. Quoi vous dire pour vous mettre sur la piste ? Ben, y a une question de comédie musicale. C'est un artiste qui nous a quittés il y a une trentaine d'années et il y a une nouveauté que nous vous ferons écouter en exclusivité. Voilà, est-ce que ça vous a mis sur la piste ? La révélation du nom et la chanson qui va vous guider vraiment définitivement dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est tout nouveau, tout chaud. Pour vous, auditeurs bien-aimés, la chanson porte le titre du disque Aimé, justement. L'artiste a également annoncé qu'il s'agissait de son dernier album, puisqu'il a décidé de mettre fin à sa carrière. Je parle bien sûr de Serge Lama. On aura beau s'évertuer à dégrader le verbe aimer, c'est par lui qu'on est pardonné. Aimer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est un tsunami dans un port, ça vous fait du sud en plein nord. Aimer, depuis des siècles et même plus, on en revient toujours déçu. On en revient toujours vaincu, aimé. On aura beau dire et beau faire, c'est comme le bruit de la mer, ça vous fait supporter l'hiver, aimé. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel. Ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, aimer. C'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer, c'est vivre deux vies à la fois, c'est manger l'âme avec les doigts. Aimer, aimer. Rien qu'à le chanter, ça me fait mal au présent, mal au passé. C'est difficile à effacer. Aimer. On croit qu'on va toucher le ciel, des paradis artificiels, mais il y a du poivre dans le miel. Aimer. Et je vous dis pas comme on gueule quand on croit voir partir la seule et les miroirs qui vous en veulent. Aimer. Allez, allez, alléluia, c'est yes, c'est oui, c'est da, c'est ya, c'est monter mille Himalaya. Aimer. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel. Ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, aimer. C'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer, c'est vivre deux vies à la fois, c'est manger l'âme avec les doigts. Aimer, aimer. Aimer. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal. Je reviens sur la nouveauté qu'on écoutait de Serge Lama. Sachez qu'on lui avait consacré une émission complète coup de cœur le 18 février 2021, l'année dernière. On reparlera bien sûr de ce dernier album, mais l'artiste du jour, c'est bien, bel et bien, Michel Berger. Alors, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, la semaine prochaine, et bien sûr, on va écouter pas mal de ses chansons, pas mal de ses succès, de son répertoire. De son vrai nom, Michel Jean Amburger, est né le 28 novembre 47 à Neuilly-sur-Seine et il nous a quittés le 2 août 92. Plusieurs cordes à son arc, pianiste, auteur, compositeur, interprète, directeur artistique, arrangeur musical, etc. Au cours d'une carrière qui dure moins de 30 ans, puisqu'elle a débuté en 1963 pour s'arrêter brutalement en 1992, il marque de sa patte la musique française et francophone, composant, écrivant et produisant des artistes aussi divers que Bourvil, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Johnny Hallyday et surtout, bien sûr, son épouse France Gall. Gall. Il est également sollicité par Elton John, le duo Donner pour Donner avec France Gall, et il compose la musique des opéras rock Starmania en 78 et La Légende de Jimmy en 1990 sur des livrets du Canadien Luc Plamondon. Le premier opéra rock Starmania, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires depuis sa création et figurant donc parmi les 10 plus grands succès francophones de tous les temps. La distribution de Starmania, plusieurs fois renouvelée du vivant de l'artiste, donne sa chance à un bon nombre d'importants de jeunes chanteurs de la scène francophone des années 80, parmi lesquels Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, Morane, Renaud Hanson et plus tard Bruno Pelletier. Alors justement, ce dernier, on va l'écouter dans Le Temps des cathédrales, une chanson d'une autre comédie musicale. Et puis, celui qui chante aujourd'hui le plus souvent dans notre émission, c'est Michel Berger. Joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous. Il cherche ce qu'il voudrait comme nous. Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur, c'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir, où les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire. après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour. Il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares et tout. C'est païen, c'est vandale, la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000, est prévue pour l'an 2000. Allez, on se laisse aller pendant 60 minutes, c'est coup de cœur, relax. Si vous êtes en voiture et que ça roule pas très très bien, si ça ralentit, soyez le plus calme possible, bien sûr. Allez, on revient sur la jeunesse de notre coup de cœur. Michel Berger est fils du professeur de médecine et néphrologue Jean Amburger et de la concertiste Annette Haas, tous deux de confession juive, converti ensuite au protestantisme. De sa mère, il reçoit une éducation stricte, athée, rationaliste, rigoriste aussi. En 1953, il est âgé de 6 ans lorsque son père, ayant subi une sérieuse opération des poumons qui le laisse partiellement amnésique, soit dit en passant, il se souvient de tout sauf de sa famille et ce monsieur abandonne femme et enfant sans aucune explication. Michel Berger fait des études de philosophie à l'université Paris-Nanterre en mai 68 et obtient à 21 ans sa maîtrise de l'esthétique de la pop musique, tenez-vous bien, comportant une étude comparative des deux albums de Jimi Hendrix, Are You Experienced et Axis, Bold as Love. C'est l'occasion pour nous d'écouter Jimi Hendrix dans un de ses plus grands succès, Hey Joe, et bien sûr, juste avant, Michel Berger, Ça ne tient pas debout. J'espère que vous êtes debout. Naturel. C'est un pouvoir étrange qui te donnerait des ailes. Tu lui ouvres les bras, tu cours quand elle t'appelle. Et tu danses enfin avec elle. Tu danses. Cette force qui habite en toi, tu l'as toujours eu. Ça ne tient pas debout. Le malheur, ça n'existe pas. marche pas non plus. Le monde ne marche pas non plus. Pendant qu'on crie si fort pour cacher nos faiblesses, on oublie nos trésors, on ménage nos caresses, comme si on voulait nous dire. Pourquoi se battre à mort pour sauver nos richesses, quand toi dans tes silences tu refais tous les gestes et tu danses. Tu danses enfin avec elle. Tu danses. Ce regard qu'ont les gens sur toi, tu t'y habitues, ça ne tient pas debout. Cette force qui habite en toi, tu l'as toujours eu. Ça ne tient pas debout. Le malheur, ça n'existe pas, tu l'as toujours su. Ta vie, on s'en fout. Pas non plus. Le monde ne marche pas non plus. Le monde ne marche pas non plus. Le monde ne marche pas non plus. Fadjet à Nancy sur 94.2. Thank you. En ce qui concerne ses débuts dans la musique, Michel Berger se fait connaître en tant que chanteur dès l'époque de Salut les copains dans les années 60. En 1963, il sort un premier 45 tours avec la chanson phare D'autres filles, qu'on va écouter juste après. D'autres 45 tours vont suivre, mais n'accrochent pas véritablement le public. Il figure sur la photo du siècle, regroupant 46 vedettes françaises du mouvement Yéyé en avril 66, photo réalisée par Jean-Marie Perrier, bien sûr. Il passe ensuite à la production chez Émail, où il écrit entre autres pour Bourville, Les Girafes, c'est le titre de la chanson, en 1967. Et il produit et écrit pour Vanina Michel en 69, un premier 45 tours qui s'appelle Dans la ville de Katmandou. On va écouter D'autres filles, et puis justement Bourville dans Les Girafes. C'est un petit peu la magie de cœur. On peut très bien écouter il y a quelques minutes Jimi Hendrix, et puis on passe à Bourville. Tout ça dans l'univers de Michel Berger, bien sûr. Mais tu sais bien, oui tu sais bien, d'autres filles, leurs yeux brillent. Mais tu sais bien que je ne pense qu'au tien. Dès que je montre mon nez à la fenêtre, je tombe sur ma voisine qui m'attend là. Pourtant je n'ai jamais rien fait pour ça. D'autres filles, oui leurs yeux brillent. Mais tu sais bien, oh tu sais bien. D'autres filles, leurs yeux brillent. Mais tu sais bien que je ne pense qu'au tien. Si je lui demande la solution d'un problème, elle me répond en me demandant si je l'aime. Allez, go, go, go. Yeah. Toi que je voudrais près de moi tout le temps. Chose t'attend. Pourtant moi tu sais bien, je t'aime bien mieux qu'elle. Elle qui voudrait que je ne sois qu'à elle. D'autres filles, allez, leurs yeux brillent. Mais tu sais bien, oui tu sais bien. Ah, d'autres filles, leurs yeux brillent. Mais tu sais bien. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant. L'été brûlant. Si lentement, le soleil est encore loin d'elle et leur cou est encore trop court. Elle court comme des gazelles pour l'attraper. Les girafes au long cou se promène dans l'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut, c'est si bon de marcher dedans, de courir vers le grand étang, boire un peu d'eau. Les girafes au long cou se se promène dans l'été brûlant, si lentement. Mais soudain, qui vient troubler l'horizon, qui sont ces curieux animaux? Il paraît qu'ils vivent sans soleil dans des maisons. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, si lentement. Il faudra absolument qu'on dédie un coup de cœur à Bourvil, un coup de cœur qui lui sera consacré parce qu'il a énormément de jolies chansons en plus de sa carrière cinématographique, bien sûr. Je vous avoue que la chanson D'autres filles qu'on vient d'écouter de Michel Berger, si on me l'avait proposée comme ça en dehors de ce contexte, je ne suis pas sûr que je l'aurais identifiée. Allez, on revient en 1972. Il est entré chez Warner Music et il produit les deux premiers albums de sa compagne de l'époque, Véronique Sanson. Ces deux albums, le premier qui contient notamment la merveilleuse chanson amoureuse que l'on a entendue plusieurs fois, que l'on a écoutée, que l'on vous a proposée dans Coup de cœur. En 1973, il décide de relancer sa carrière de chanteur en enregistrant son premier album solo, Michel Berger, communément appelé Cœur brisé, après le départ de Véronique Sanson. Seuls les titres Pour me comprendre et Attends-moi émergent de cet album. Le premier succès de Michel Berger arrive durant l'été de la même année avec Écoute la musique, quelle consolation fantastique, juste après sa rencontre avec sa nouvelle muse France Gall. Entre-temps, il relance la carrière de Françoise Hardy avec l'album Message personnel la même année et produit également son 45 tours suivant Je suis moi en 1974. On le retrouve dans Pour me comprendre, et puis ensuite Françoise Hardy, Message personnel. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie, et pour l'apprendre, devenir mon ami. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'âme, et puis mes longues insomnies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant ton paysage. Que je ne pourrais, il faudrait l'aimer plus que moi, et

En 1975, Michel Berger connaît un succès mitigé avec l'album « Que l'amour est bizarre » dont la chanson éponyme et « Seras-tu là ?» sont les deux plus réussis. L'année suivante, seul le titre « Mon piano danse » extrait de l'album homonyme connaît un modeste succès également. En 1974, il écrit pour France Gall « La déclaration d'amour ». Il relance la carrière de la chanteuse et produira tous ses albums à partir de 1975. Il l'épouse le 22 juin 1976. Juste après ce nouveau petit break musical, on parle de Starmania, bien sûr, Michel Berger, Seras-tu là ? Et puis France Gall, La déclaration d'amour. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables. Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours auront passé, seras-tu là? Belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près. de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour. Tu es près de moi, je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi, je t'aime quand tu souris. Une déclaration, ma déclaration. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. Alors si on parle de Michel Berger, on pense automatiquement à la comédie musicale Starmania. C'est écrit avec Luc Plamondon, cet opéra rock, un double album studio sort en 78. Il est notamment interprété par France Gall, Claude Dubois, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Walkman, Eric Estève et Fabienne Thibault. Starmania, le spectacle, créé au Palais des Congrès de Paris en 1979, remporte un vif succès réitéré en 88 avec entre autres Morane, Sabrina Lori, Renaud Hanson, puis avec des distributions différentes lors des reprises dans les années 90, notamment une version anglaise nommée Tycoon sera réalisée en 92. Joué à différents endroits dans le monde, il a fait l'objet de multiples adaptations tant en anglais qu'en français. L'album studio original de 78 s'était vendu à 2 millions d'exemplaires rien qu'en France, se positionnant ainsi à la 7e place des meilleures ventes d'albums au niveau national. Starmania fut l'un des tout premiers opéras rock francophones entièrement chantés. Le projet initial de Michel Berger, Angelina Dumas, qui date de 1974, est une réflexion autour du syndrome de Stockholm et de l'histoire de l'enlèvement de Patricia Hertz, qui en 1975 s'est finalement ralliée à la cause de ses ravisseurs. La bande à Bader est aussi une référence de Starmania pour Plamondon et Balavoine. L'opéra rock, donc créé en 1979, revient à Paris à la scène musicale en novembre prochain, du 8 novembre au 29 janvier 2023. On en reparlera la semaine prochaine. Cette septième version de Starmania, spectacle joué en France depuis 2001, est mise en scène par Thomas Joly et produite par Thierry Suc. Si on attendait avec impatience de savoir qui allait succéder à Daniel Balavoine, France Gall, Fabienne Thibault, etc., ce sont des artistes encore méconnus du grand public qui ont été sélectionnés pour incarner Crystal, Ziggy, Stella Spotlight, Johnny Roquefort ou encore Zéro Janvier. Ainsi, ce nouveau Starmania est interprété par Lilia Haddad, Adrien Fruit, Magali Goblet, Alex Montauban, Malaika Lassie, David Latulippe ou encore Man Myriam Bagdasarian. On ne l'y connaît pas.

quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré, oui, Ziggy. Il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très, très gais, où il a des tas d'amis. Il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, et moi je l'aime. C'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Eh bien, c'est déjà notre indicatif de fin d'émission, mais ce n'est pas du tout terminé en ce qui concerne le coup de cœur Michel Berger, puisque encore beaucoup de collaborations à évoquer, son actualité, un nouveau spectacle donc, une nouveauté, un titre inédit qui ressort au bout de 30 ans, voire 40 ans. Tout ça, c'est la semaine prochaine dans votre rendez-vous coup de cœur à partir de 17h. J'espère que le rendez-vous est pris, que vous serez à l'écoute de notre émission. Je vous souhaite une bonne semaine et puis donc jeudi 17h, 94.2, c'est notre rendez-vous incontournable. Allez, bye bye!